Écoutez maintenant le murmure vésiculaire normal. Il s'agit d'un son doux, de basse tonalité, entendu à la périphérie du poumon et essentiellement inspiratoire. Écoutez à nouveau le murmure vésiculaire normal.